إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Premièrement, j'aimerais juste mentionner que, alhamdulillah, je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui dans la ville de Villerupt pour ce séminaire qui a été organisé, alhamdulillah, par les frères de la mosquée ici. Et c'est toujours un plaisir de revenir ici. Ça fait, je pense, la troisième fois. Hein? Donc, alhamdulillah, yani, ça a toujours été des séminaires qu'on a organisés, puis on a toujours des, alhamdulillah, des bons souvenirs. Qu'est-ce qu'on va étudier ensemble aujourd'hui, inshallah, c'est une partie du livre de l'explication de Al-Usul al-Thalatha par le Cheikh Zayd al-Madkhali. Et Al-Usul al-Thalatha, c'est un matin parmi les moutons, parmi les textes de base, parmi les livres que les ulama enseignent à leurs élèves. Et c'est un des livres de base à cause de son importance et des notions qu'il contient. C'est un livre parmi les plus importants. Et c'est un livre qu'il enseigne aux débutants et aux enfants, mais qui peut être utile également pour les tulab al-ilm, qui sont les plus avancés aussi. Et même les ulama entre eux, ils lisent ce livre ensemble pour ceux pour se rappeler et pour se faire la révision de la science entre eux. Et il y a beaucoup de notions très bénéfiques qui parfois sont difficiles à trouver même dans des livres plus gros, plus élaborés. Hein? Donc il faut jamais, comme on dit, dénigrer un livre à cause de sa taille ou en pensant que parce qu'il est plus petit, il est moins bénéfique. Au contraire. Hein, on dit souvent c'est dans les petits pots qu'on trouve les meilleurs ongas. Eh bien, dans ce cas-là, oui, ça s'applique, puisque c'est un des, comme je dis, c'est un des livres les plus complets et des plus bénéfiques dans l'aqida. Et il explique, des éléments du tawhid, des éléments de l'aqida et du manhaj qui sont fondamentaux, Et c'est ça qu'on va expliquer aujourd'hui, mais en particulier un point bien spécifique et bien précis de la aqida, qui est un aspect qui fait partie des fondements du tawhid, qu'on appelle en arabe al-wala ou al-bara. Al-wala ou al-bara. C'est-à-dire le fait d'aimer et de détester pour Allah subhanahu wa ta'ala et de s'allier ou de se désavouer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça se retrouve dans l'introduction du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et c'est le troisième point dans la deuxième partie. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit al-mas'alatu al-thalitha wa hiya anna man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. C'est-à-dire que celui qui a obéi au messager et unifié Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a obéi au messager et il a établi le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, il n'est pas permis pour lui de s'allier à celui qui s'est opposé à Allah et à son messager. Même si cette personne qui s'est opposée à Allah et à son messager est, fait partie des personnes les plus proches de sa famille. Donc si on dit que même la personne la plus proche de sa famille, il ne peut pas s'allier à cette personne-là si elle a opposé Allah et son messager, donc ça veut dire que des personnes qui ne sont même pas dans ta famille et qui s'opposent à Allah et à son messager, donc ils méritent encore plus que tu ne t'allies pas avec eux. Et comme le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans ce livre, à chaque fois qu'il mentionne un point, il mentionne la preuve qui vient avec. Donc il dit « وَالدَّلِيلِ قَوْلُهُ تَعَالَى لَا تَجِدُوا قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أو ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Et donc le cheikh il mentionne cette preuve qui est le verset 22 dans sourate Al-Mujadala. Et c'est le dernier verset de cette sourate. Et c'est une des preuves, parce que en ce qui concerne Al-Wala ou Al-Bara, il y a plus que une trentaine de versets qui mentionnent ce principe-là et qui le clarifient dans le Coran. Donc c'est juste une preuve qu'il a mentionnée parmi d'autres. Et qu'est-ce que ce verset-là signifie? Il signifie, tu ne trouveras pas un peuple parmi ceux qui croient en Allah et au jour dernier, qui aiment ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, même si c'était leur père, leur frère, non, même si c'était leur père, leur fils, leur frère, ou les gens de leur famille ou de leur tribu. Ceux-là, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas aimé ceux qui s'opposent à Allah et son messager, même s'ils étaient leurs proches parrains, Allah a prescrit pour eux la foi et a écrit dans leur cœur la foi. Et il les a supportés d'un esprit venant de lui, hein, c'est-à-dire d'un de ses anges. Il les a supportés d'un ange venant de lui, de l'ange Jibril, Avour. Ar-Ruh al-Amin, Ar-Ruh al-Qudus. Et il va les faire rentrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Donc leur récompense pour avoir établi ça, c'est qu'ils vont entrer dans le paradis. Dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Voilà le parti d'Allah. Et certes, le parti d'Allah est celui qui a le succès. Donc ça, c'est le verset en question. Donc on a vu le point, on a expliqué le principe, puis là, on a mentionné la preuve. Maintenant, le cheikh Zayd al-Madkhali, il explique le sujet de ce qui va être élaboré maintenant dans l'explication de cette partie ou de ce passage dans Al-Usul al-Thalatha. Et vous allez remarquer, vous allez constater que l'explication du cheikh Zayd, qui est un des ulama parmi les ulama de l'Arabie Saoudite, qui vit dans le sud de l'Arabie, près du Yémen, dans une région, une ville qui s'appelle Samita, et qui est proche de Jazan. En tout cas, c'est dans le sud de l'Arabie. Et c'est, comme je dis, c'est proche du Yémen. Et c'est un des mashayikh, un des ulama, qui est, d'après ce que j'avais compris par rapport à sa date de naissance, il devrait avoir environ 83 ans aujourd'hui. Environ. Donc, il est assez âgé, le cheikh, hafizahullah. Et c'est un parmi les ulama de Ahl-Sunnah, parmi les ulama salafiyin, qui défendent le tawhid et l'aqidah, et qui a écrit beaucoup de livres et donné beaucoup de cours et enseigné à beaucoup de d'élèves. Et il est très, et c'est un des ulama parmi les ulama qui sont très forts pour la défense de la sunna. Donc vous allez voir parmi les explications qu'il va donner des clarifications au sujet des certains aspects de la sunna que vous n'allez peut-être pas trouver dans d'autres explications de Al-Usul al-Salasa. Son charh, il est particulier sur ce plan-là. Et vous allez voir que sa clarification de certains points qui ont rapport avec le manhaj est vraiment détaillée et précise, et ces détails-là, vous ne les trouvez pas dans les autres livres des ulama qui ont parlé de Al-Usul al-Thalatha. Donc, le cheikh, il commence en expliquant, il dit وموضوع درس هذه الليلة المسألة الثالثة وهي أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب وبيان ذلك أن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يحبون في الله ويبغضون في الله وهذه قاعدة يطبقها ويتفاعل معها أهل الحق دائما وأهل السنة والجماعة من سلفنا الصالحين وأتباعهم إلى يوم الدين إذا كان من أطاع الرسول صلى الله إذ كل من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى من كتاب وسنة ووحد الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وجميع أفعاله فإنه لا يجوز له موالاة أي محبة محبة من أي لا يجوز له موالاة أي محبة وموافقة ومناصرة ومناصرة من كان محادا لله ونابذا لشرعه الكريم وراء ظهره ومحادا لما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان من أقرب الناس إليه. Donc le cheikh il explique donc que comme le cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, l'imam Mujaddid rahimahullah, a expliqué que celui qui a obéi à son messager, c'est-à-dire qui a obéi au messager d'Allah et qui a unifié Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas permis pour lui de s'allier et d'aimer toute personne qui s'oppose à Allah et à son messager, même si c'était une personne parmi les plus proches de sa famille. Et l'explication, la clarification de ça, c'est que celui qui a suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toute personne qui a suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aime en Allah. Il aime en Allah. Yuhibbuna fillah. Et ils détestent en Allah. Et quand on dit ils aiment en Allah et ils détestent en Allah, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu aimes dans ce qui amène l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu détestes dans ce qui amène l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, c'est ça ce que ça signifie. Et cette règle, elle est appliquée par les gens de la vérité, à toute époque, et à chaque fois, yani tout le temps. Et ils l'appliquent constamment. C'est pas quelque chose qui est temporaire ou limité à un moment spécifique dans l'histoire. C'est quelque chose qui est permanent et qui reste avec les gens de la vérité, avec les musulmans, les gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, c'est quelque chose qui reste jusqu'à la fin des temps. Et donc Ahl al-Sunnah wal Jama'a, en parlant de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, on parle de nos salaf al-salihin, les sahaba, les tabi'in, hein, c'est-à-dire les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ceux qui ont étudié avec eux. Parmi leurs élèves, on les appelle les tabi'oun, et ceux qui ont étudié avec les élèves, des élèves des sahaba, c'est-à-dire les tabi'in, et ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la résurrection, et qui les ont suivis de la meilleure façon, donc ils suivent cette voie-là. Et ils aiment Allah et ils détestent à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, hein, le cheikh il explique que toute personne qui obéit au messager dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé et qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les exemples de ce qui vient du livre d'Allah et de ce qui vient de la sunna, ça aussi c'est une révélation d'Allah, hein, la sunna fait partie aussi de la révélation d'Allah. Donc toute personne qui obéit au messager et qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans les trois catégories de tawhid, tawhid al-rububiyyah, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans sa souveraineté et dans sa seigneurie, l'unicité d'Allah dans son adoration, al-uluhiyyah, et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs, et dans toutes ses actions. Celui-là qui rentre dans cette description-là, eh bien, il n'est pas permis pour lui d'aimer, hein, de s'allier ou d'aimer et d'être d'accord et de venir au secours ou en aide, hein, de défendre toute personne qui s'oppose à Allah et qui rejette sa législation et sa charia et qui la rejette derrière son dos et qui s'oppose à ce qui a été rapporté par le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même si cette personne qui s'oppose à Allah et à son messager, et ce qui est révélé d'Allah, qui a été révélé au messager sallallahu alayhi wa sallam, même si cette personne est plus proche, hein, la plus proche de cette personne dans ses proches, sa famille, ses parents. Et parmi le cheikh il dit wa min huna yajib an yu'raf aw an ya'rif talib al-'ilm haqiqat al-wala wal-bara ay man alladhi yajib an yuhab wa yuwala wa 'ala ayyi shay'in takunu al-mahabba wal-wala wa ma hiya asbab al-mu'ada wal-hajr wal-bughd. Hadhihi umur min usus al-'aqidah. Le cheikh il dit donc à partir de ce moment il est obligatoire pour le talib ilm, la personne qui cherche la science de l'islam, de comprendre et de connaître la réalité de al-wala wal-bara, c'est-à-dire la réalité du fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. C'est-à-dire, qui est-ce qu'on doit, qui est-ce qui est obligatoire pour nous d'aimer? Et qui est-ce qui est obligatoire pour nous de prendre pour allié? Hein? Et qui est-ce qui est... Qui est-ce qui est obligatoire pour nous de se rapprocher de lui? Et sur quoi on doit, sur quoi doit être basé cet amour et ce rapprochement? Et sur quoi doit être basé aussi la haine qu'on a envers quelqu'un et l'éloignement envers celui qui s'oppose à Allah et son messager? C'est quoi, c'est basé sur quoi? Et quelles sont les causes de cette haine et de cette animosité? Et quelles sont aussi les causes du fait qu'on s'écarte d'eux ou qu'on les déteste? Ça, c'est les bases. Ça, c'est des choses qui sont à la base même de notre croyance islamique et de notre aqida. Al-wala wal-bara, comme certains ulama l'ont mentionné, c'est quelque chose c'est l'âme, on peut dire que c'est l'âme du tawhid même. Et certains ulama ont mentionné même à ce sujet-là, ils disent, si tu veux savoir comment est le degré de l'islam chez les musulmans et quel degré de foi et de compréhension de l'islam ils ont, il dit, il ne faut pas regarder les mosquées et voir à quel point elles sont remplies, mais il faut voir à quel degré ils ont ce principe de compréhension et d'application de al-wala wal-bara, parce que c'est ça qui fait vraiment la différence. Donc le cheikh il dit ensuite wa alayhi فإن كل من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم ووحد الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته يجب أن يكون حبه في الله وبغضه في الله وموالاته في الله ومعاداته في الله فمتى فعل ذلك فقد حقق التمسك بعروة الإيمان وقد نال ولاية الله تبارك وتعالى التي لا تنال إلا بذلك. Donc le cheikh il explique, il dit donc que toute personne qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui unifie Allah dans sa rububiyya, dans son adoration, dans ses noms et dans ses attributs, il est obligatoire pour lui que son amour soit dans l'agrément d'Allah et que sa haine soit également en Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il aime pour Allah subhanahu wa ta'ala et dans ce qui amène l'agrément d'Allah, et qu'il déteste également pour Allah subhanahu wa ta'ala et en Allah. Donc du moment qu'il applique ça, il s'est accroché à l'anse la plus solide de la foi. Et il a réalisé cette, cet aspect de la foi qui est parmi les plus importants aspects de la foi. Et il est devenu un wali d'Allah. Il est devenu un allié, et un ami d'Allah. Et cette wilaya, ce fait d'être allié d'Allah et d'être rapproché d'Allah, tu ne peux l'atteindre que par cela, que par cette voie-là. Il n'y a pas d'autre façon. Parce que, en fait, tout le monde aime et déteste quelque chose. Sauf que ce n'est pas tout le monde qui aime et qui déteste pour la même raison. Et en même temps aussi, l'amour et la haine sont des choses qui sont reliées ensemble. Et comme certains ulama l'ont expliqué, il n'y a pas d'amour sans haine. Il n'y a pas d'amour réel sans haine. Et il n'y a pas de haine sans amour. Les deux sont reliés, interreliés. Ok? Et un exemple pour faire comprendre ça, parmi les exemples qui clarifient bien la chose, c'est que, par exemple, tu peux pas dire que tu aimes réellement Allah subhanahu wa ta'ala si tu n'as pas détesté le shaitan. Tu peux pas dire que tu aimes réellement Allah subhanahu wa ta'ala alors que tu aimes ce que Allah déteste parmi les interdictions, parmi les péchés, parmi les bid'ah, parmi les différentes formes de kufr et de shirk. Tu ne peux pas aimer ces deux choses-là en même temps. Tu ne peux pas aimer ce que Allah ordonne et aime parmi les actes d'obéissance, de piété, de crainte, de tawhid, et de sunnah, et de ce genre de choses-là, et les actes surérogatoires et des actes d'adoration, et puis en même temps aimer les péchés, les bid'ah, le kufr, le shirk et les choses de ce genre. Si tu aimes l'un, tu dois détester l'autre. Si tu aimes l'un et que tu aimes l'autre en même temps, tu rentres en contradiction. Et si tu détestes l'un, tu dois aimer l'autre. Si tu détestes les deux, tu rentres en contradiction aussi. Donc, c'est très important donc de comprendre ce principe-là. Et celui qui prétend qu'il aime tout le monde, qu'il aime tout, sans distinction, eh bien, cette personne-là, elle n'aime pas Allah. Parce que ce n'est pas cet amour-là que Allah subhanahu wa ta'ala demande de ses serviteurs. Donc c'est fondamental et c'est important de comprendre ça de cette façon-là, parce que c'est une base de la foi. Puis dans la question de Al-Wala wa Al-Bara, il y a deux extrêmes qu'on retrouve, que les ulama ont expliqué. Il y a des ulama qui ont mentionné ça. Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il en parle dans plusieurs de ses livres. Et il y a d'autres parmi les ulama également qui le clarifient. C'est que dans la question de Al-Wala ou Al-Bara, il y a des gens qui ont exagéré. Et il y a les deux extrêmes qu'on retrouve. Ceux qui ont exagéré dans le sens que ils ont voulu aller trop loin, et donc ils font entrer dans le fait, par exemple, de détester pour Allah et d'aimer pour Allah des choses qui n'ont rien à voir avec cette question-là. Et par exemple, ils font croire que il faut, par exemple, pour vraiment détester ceux qui opposent la religion d'Allah et ceux qui opposent la religion d'Allah, c'est-à-dire qu'il faut avoir aucune relation avec eux, aucun lien avec eux du tout. Et que si quelqu'un a une relation avec ceux qui ne croient pas en Allah, qui opposent la religion d'Allah, automatiquement ils vont dire que c'est des gens qui ont pris les ennemis d'Allah pour alliés et qui ont quitté la foi. Et ça, c'est une position extrême. On va donner des exemples de ça par la suite. Et il y a les autres qui ont exagéré dans le laxisme et qui ont eu des manquements dans l'application d'Al-Wala Al-Bara et qui sont allés jusqu'à dire qu'il faut aimer tout le monde, il faut détester personne, il faut accepter tout, hein, et des choses de ce genre. Et on va parler de ces gens-là aussi, on va donner des exemples à ce sujet-là avec les clarifications et les explications des ulama aussi sur ce sujet. Donc, pour revenir maintenant à qu'est-ce que le cheikh, cheikh Zayd explique, il dit وَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَاعِدَةَ الْوَلَى وَالْبَرَاءِ لِمَنْ يَكُونَ الْوَلَى وَمِمَنْ يَكُونُ الْبَرَاءِ وتفاعلوا مع هذه القاعدة فبرز الابن لأبيه ليقتله لأنه عدو لله أو لأنه عدو الله وبعضهم برز لابنه ليقتله لأنه على غير منهج الإسلام وهذا معروف من سبب نزوله لهذه الآية الكريمة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية حيث إنها نزلت في أبي عبيدة عامر ابن الجراح الذي قتل أباه لأنه كان كافرا وفي أبي بكر لأنه برز لابنه وكان كافرا ليحققوا مبدأ الولاء والبراء فأنزل الله فيهما وفي أمثالهما هذا القرآن الذي يتلى إلى ما شاء الله إلى أن يرفعه الله تبارك وتعالى من الصدور ويرفعه من الأرض. Donc le cheikh il dit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont connu la règle de al-wala wal-bara. Hein? Et ils savaient envers qui ils devaient avoir al-wala, qui ils devaient aimer et avec qui ils devaient s'allier, et ils savaient également qui ils devaient détester et de qui ils devaient se désavouer, et ainsi de suite. Et ils ont su comment agir envers cette règle et ce principe de l'islam, à un point tel que tu as vu certains d'entre les sahaba affronter dans les combats, dans la guerre, durant le djihad, hein, tu vois un fils qui affronte son père durant le combat pour le tuer, parce que c'est un ennemi d'Allah. Et certains d'entre eux ont même affronté leur fils pour le tuer, parce qu'il était sur autre que la voie de l'islam. Et ça, c'est quelque chose qui est bien connu dans l'explication de la cause de la révélation du verset 22 dans Sourate Al-Mujadala. Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier, qui aime ceux qui s'opposent à Allah, hein, et à son messager. Et la cause de la révélation de ce verset-là, parmi les explications des ulama de tafsir, ils mentionnent que c'était révélé à propos de Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah. Il dit que il a tué son père durant le combat, durant la bataille. Parce que, hein, c'était un kafir. C'était un mushrik, un idolâtre. Et Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, durant la bataille, il a tué son propre fils. Hein, parce que c'était un kafir. Et ils ont fait ça pour réaliser le principe de base de l'islam qui est al-wala wal-bara. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à leur sujet et au sujet de ceux qui étaient dans ce même genre de situation-là, ce verset dans le Coran qui est récité jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala le reprenne vers lui des poitrines des hommes et qu'il le relève, qu'il l'enlève de la terre à la fin des temps. Et le cheikh, il mentionne en note de bas de page des citations tirées des livres de tafsir. L'imam al-Qurtubi, il mentionne que l'imam al-Suddi a dit « Nazalat fi Abdillah ibn Abdillah ibn Ubay. Jalasa ila al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fashariba al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ma'an. Faqala lahu ya Rasulullah, ma abqaita min sharabika fadla usqiha abi. La'alla Allah an yutahhira biha qalbahu. فأفضل له فأتاه بها فقال له عبد الله ما هذا فقال هي فضلة من شراب النبي صلى الله عليه وسلم جئتك بها تشربها لعل الله أن يطهر قلبك بها فقال له أبوه فهلا جئتني ببول أمك فهو أطهر منها فغضب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما أذنت لي أما أذنت لي في قتل أبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل ترفق به وتحسن إليه. Cette première exemple de situation qui s'est produite justement à l'époque des Sahaba, l'exemple d'Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay, un des hypocrites, hein, le fils d'un des hypocrites parmi les gens qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Ubay, c'était un munafiq et son fils était un parmi les musulmans sincères et il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son fils Abdullah, et il était donc assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu de l'eau. Alors il a dit au messager d'Allah, ce qui reste de ton eau, je vais le prendre pour le donner à boire à mon père. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala purifiera son cœur par cette eau. Et il est allé pour donner cette eau donc à son père et il a dit à son père, donc je t'amène cette eau qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam et peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala va purifier ton cœur par cette eau. Et il a répondu, son père a répondu, si tu m'avais amené l'urine de ta mère, peut-être qu'elle était plus pure que cette eau. Hein? Astaghfirullah. Hein? Subhanallah. Donc ça c'est l'exemple des paroles de cet homme. Parmi les paroles, il y a les graves de kufr. C'est un munafiq parmi les munafiqin. Alors, le fils d'Abdullah ibn Ubay, Abdullah, était en colère et il est retourné voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, oh messager d'Allah, est-ce que tu me permets de tuer mon père? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, hein, au contraire, sois bon avec lui, sois doux avec lui et sois bon avec lui. Un autre exemple, c'est la narration de Ibn Jarir, hein, parce que en fait c'est que même si on a un lien de parenté avec quelqu'un qui est kafir ou mushrik et qu'il a une haine et une animosité envers l'islam, même s'il y a ce lien de parenté ou cette relation naturelle, ce penchant naturel envers nos proches, eh bien notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et notre haine pour le kufr, il prend le dessus sur cet amour naturel, paternel ou entre les liens de parenté. Hein. C'est-à-dire que ton amour pour l'islam et pour Allah et ta haine pour le kufr et tout ce qui est contraire à l'islam, il est plus grand dans ton cœur que tout autre lien de parenté qui pourrait exister. Et c'est pour cette raison-là que lorsqu'il est venu vers son père pour lui donner quelque chose de bien pour lui par rapport à sa foi et par rapport à l'islam, et qu'il l'a rejeté et qu'il a réagi d'une façon avec une parole de kufr, hein, qui est très grave, eh bien tout de suite cette haine-là, hein, pour Allah et cet amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle est ressortie. Et il avait même envie de tuer son père pour cette parole-là. Hein? Et il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, hein? Sois bon envers lui, malgré cette haine-là, contrôle ta haine et sache que tu dois être bon envers lui et agir bien avec lui, et peut-être que par la suite Allah subhanahu wa ta'ala va le guider, hein? Donc ça c'est un exemple. Et c'est rapporté aussi, il dit wa qala ibn Jarir hadithu anna Aba Quhafa سب النبي صلى الله عليه وسلم فسكه أبو بكر ابنه سكه فسقط منها على وجهه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال أو فعلته لا تعد إليه فقال والذي بعثك بالحق نبيا لو كان السيف مني قريبا لقتلته. إلى ذي l'imam Ibn Jarir al-Tabari, il dit dans son tafsir, il a dit que le père de Abu Bakr radiallahu anhu a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Abu Bakr l'a frappé et il est tombé sur son visage. Puis Abu Bakr l'a frappé et son père est tombé sur son visage et il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a mentionné ce qu'il avait fait. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu as fait ça vraiment? Ne le refais plus. Est-ce que tu as fait ça vraiment? Ne le refais plus. Il a dit, Abu Bakr a répondu, il a dit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, comme prophète, si l'épée était proche de moi, à ce moment-là, je l'aurais tué. Hein? Ça c'est un exemple. Et il mentionne également, il dit قال ابن مسعود نزلت في أبي عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد وقيل يوم بدر وكان الجراح يتصدى لأبي عبيدة وأبو عبيدة يحيد عنه فلما أكثر قصد عليه يعني أبو عبيدة فقتله. نعم قصد عليه فقتله فأنزل الله حين قتل أباه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. Ibn Mas'ud il mentionne que ce verset était révélé à propos d'Abu Ubaida ibn Jarrah qui a tué son père Abdullah ibn Jarrah le jour de Uhud, et certains ont dit non, c'était le jour de Badr, donc il y a une divergence sur ça. Et en fait c'est que le père de Abu Ubaida, il cherchait dans le terrain de bataille son père, son fils. Le père de Abu Ubaida cherchait son fils parmi les combattants pour le tuer. Et Abu Ubaida s'enfuyait de lui à chaque fois que son père se rapprochait de lui pour le tuer. Lui, il s'enfuyait, hein, pour pas être justement face à face avec lui dans le combat. Et finalement, quand son père a tellement insisté jusqu'à ce qu'il arrive, et finalement, Abu Ubaida al-Jarrah l'a tué. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset-là lorsqu'il a tué son père. Et c'est-à-dire le verset 22 dans Surat al-Mujadala, tu ne trouveras pas des gens qui croient en Allah et au jour dernier, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du verset. Et le cheikh il dit ensuite وَاسْتَدَلَّ مَالِكَ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى مُعَادَاتِ الْقَدَرِيَّةِ وَتَرْكِ مُجَالَسَتِهِمْ قال قلت وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان. Donc ensuite il mentionne que l'imam Malik rahimahullah il a dit que on peut appliquer ce verset là également sur le fait de détester les gens de la secte des Qadariyah, c'est-à-dire les gens qui nient la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de ne pas s'asseoir en leur compagnie et de ne pas être avec eux, de pas s'asseoir avec eux. Donc l'imam Malik rahimahullah il utilisait ce verset-là comme preuve sur ce sujet. Et il dit, c'est-à-dire l'imam al-Qurtubi, ou bien plutôt l'imam Malik qui dit ça, mais c'est l'imam al-Qurtubi qui le cite, il dit, et ça c'est la signification, c'est-à-dire que ce verset-là s'applique aussi pour les gens de Qadar et pour tous les gens de l'injustice et de la transgression. Donc si vous retournez au tafsir de l'imam al-Qurtubi, vous allez trouver ces détails-là et ces exemples-là, et aussi dans le tafsir de l'imam الطبري. donc le cheikh il dit وموضوع الولاء والبراء يحتاج الى شيء من التفصيل فالولاء درجات بحسب من توالي والبراء كذلك درجات فمن كان على منهج السلف الصالح في العقيده والعباده والمعامله والادب والسلوك وعلى اخوه الاسلام والايمان والاحسان فهذا له من الولاء اعلاه واكمله بعد ولاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفي هذا المعنى قال الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. donc le cheikh il explique la question de le sujet de Al-Wala Al-Bara nécessite qu'on en parle de façon détaillée, qu'on rentre un peu dans les détails et qu'on clarifie les choses de façon plus détaillée. Il dit que Al-Wala, le fait d'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala et de s'allier avec les mu'minines, c'est en degré selon la personne avec qui on s'allie. Et Al-Bara, c'est la même chose. Il y a des degrés dedans. C'est pas tout le monde au même niveau. C'est pas tout le monde au même degré qu'on doit le détester. Donc c'est selon la personne. Et il dit, celui qui est sur le manhaj des salaf al-salih, dans sa aqida, dans son adoration, dans ses interactions avec les gens, dans sa manière, dans son comportement, dans toutes ces choses-là, sur la fraternité de l'islam, de la foi et de du perfectionnement de la foi, alors celui-là, il a le plus haut degré de wala. Il a le plus complet et le plus élevé niveau de wala, après, bien entendu, l'amour d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dans ce sens-là qu'est venu le verset 55 et 56 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie votre wali, c'est-à-dire votre allié, votre défenseur, votre protecteur, est uniquement Allah, et son messager, et ceux qui ont cru, ceux qui établissent la salat, qui donnent la zakat, et qui s'inclinent. Et quiconque prend pour allié Allah, son messager, et ceux qui ont cru, alors certes, le parti d'Allah est celui qui aura le dessus. ويتجلى الولاء في الله عز وجل في الحب وفي البغض في الحب فيه والبغض فيه والولاء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم محبته واتباع أمره واجتناب نهيه والتأسي به ومحبة أتباعه عموما محبة شرعية إلى يوم القيامة وهي من العبادات الفاضلة ومن علامات أهل الإيمان ومن صفاتهم وخصائصهم التي يمتازون بها على غيرهم. ومن كان دون ذلك من المسلمين فله من الموالاة بحسب ما معه من الإسلام والإيمان والإحسان، ويبغض بقدر ما فيه من الفسق والعصيان. Donc le cheikh il dit que on voit se manifester la al-wala à Allah ou l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait d'aimer pour lui et en lui et de détester pour lui et en lui. C'est-à-dire que tu vas aimer Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas aimer tout ce que Allah aime et tout ce que Allah aime et tu vas détester tout ce que Allah déteste et tout ce que Allah déteste. Et al-wala en ce qui concerne le droit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu l'aimes lui-même pour Allah, que tu le suives dans ses commandements, que tu t'écartes de ce qu'il a interdit et que tu te bases sur ce qu'il a enseigné et tu le prends pour modèle dans ton comportement, dans ton adoration, dans tout ce que tu fais. Et également tu aimes tous ceux qui le suivent de façon générale, d'un amour qui est établi sur la charia jusqu'au jour de la résurrection. Et cette wala fait partie des plus méritoires parmi les formes d'adoration et parmi les signes des gens de la foi et parmi les caractéristiques et les particularités par lesquelles se distinguent les croyants sur ceux qui ne sont pas comme sur les yani par rapport aux autres. Et il dit tous ceux qui sont moindres que ceux-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas atteint ce degré de foi dans leur religion, eh bien on doit les aimer à Allah subhanahu wa ta'ala, mais selon ce qu'ils ont de pratique de l'islam, selon ce qu'ils ont de foi et selon ce qu'ils ont de ihsan, c'est-à-dire du perfectionnement de la foi. Et pour les manquements qu'ils ont, on doit les détester et aller par rapport au péché, la proportion ou le degré de désobéissance et de péché qui est présent en eux. C'est-à-dire que les croyants qui sont complets ou qui suivent l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple de la religion dans tous les aspects, ceux-là on les aime pour Allah subhanahu wa ta'ala de façon d'un amour complet, tandis que ceux qui ont des péchés, qui font des désobéissances à Allah, eh bien on doit les aimer pour Allah selon ce qu'ils pratiquent de l'islam, et on les déteste d'un certain point de vue aussi en même temps parce qu'ils font des péchés et des désobéissances. Mais ce n'est pas un amour complet puisqu'ils ont certaines défaillances ou certains manquements dans leur islam ou dans leur pratique de l'islam. Donc il doit y avoir de l'amour et en même temps un peu de haine de ce qu'ils, par rapport à ce qu'ils font comme péché. Et ensuite le cheikh explique un autre aspect aussi. Il dit ومن كان من أهل البدع المضلة على اختلاف أنواع أهل البدع وهم كثر فهؤلاء ما داموا في محيط الإسلام من جملة المسلمين ما أخرجتهم بدعهم عن الإسلام فهؤلاء يبغضون بقدر معاصيهم وبدعهم ويهجرون وتهجر مجالسهم ومكالمتهم ولا يؤخذ العلم عنهم وذلك بحسب المصلحة التي تترتب على هجرهم والابتعاد عنهم. Donc le cheikh il explique ensuite une autre catégorie, c'est-à-dire il y a ceux qui commettent des péchés, qui désobéissent à Allah, on les aime pour ce qu'ils ont de l'islam et de pratique de l'islam, et on les déteste par rapport au péché qu'ils font et des choses de ce genre. Tandis qu'il y a une autre catégorie qui sont les gens de bid'ah. Et cette catégorie-là, le cheikh dit premièrement qu'il y a différentes catégories de bid'ah et différentes catégories de gens de bid'ah. et ils sont très nombreux, et ceux-là, s'ils sont toujours dans les limites de l'islam, hein, et qu'ils font partie des musulmans en général, c'est-à-dire qu'ils ont des bid'ah, mais que ces bid'ah-là qu'ils ont n'ont pas atteint le degré de kufr akbar ou de shirk akbar, d'accord? Donc leur bid'ah ne les a pas fait sortir de l'islam complètement. Il dit, le cheikh, que ceux-là, on doit les détester selon selon le degré ou la proportion de désobéissance qu'ils ont et de bid'ah qu'ils ont. Toutefois, on doit s'écarter d'eux, hein, et ne pas s'asseoir avec eux, les boycotter, et ne pas leur parler, même, et ne pas prendre la science d'eux. Et ça, c'est en particulier les gens qui invitent à leur bid'ah, c'est-à-dire parmi les gens qui sont des du'ats, parmi les du'ats des mubtadi'a. Donc, toute personne qui est un mubtadi'a, sa bid'ah n'est pas une bid'ah de kuf akbar ou de shirk akbar. Hein? Donc, ils font partie des musulmans, sauf qu'on doit les détester selon leur bid'ah et leur péché, et s'écarter d'eux, ne pas s'asseoir avec eux, ne pas leur parler, ne pas étudier de ce qu'ils enseignent par rapport à l'islam. Et tout ça, c'est selon, bien entendu, le bienfait qui en découle, si par exemple le fait de s'écarter d'eux amène un méfait ou quelque chose de ce genre. Dans ce cas-là, il y a des clarifications qui ont été mentionnées à ce sujet-là, que parfois, donc, c'est selon le maslaha. Des fois, on est capable de s'écarter d'eux et de les boycotter complètement, tandis que des fois, si par exemple dans certaines régions ou dans certains endroits, les musulmans qui sont sur la sunna sont minoritaires, et que les gens de bid'ah sont, c'est eux qui ont le contrôle de tout, et c'est eux qui sont majoritaires, et que c'est pas possible de rester écarté d'eux de façon complète, dans ce cas-là, le musulman, il va appliquer avec eux al-wala ou al-bara selon la capacité qu'il a. Hein? Et comme le professeur a expliqué par rapport au munkar, et le fait de changer le munkar, il a expliqué que on doit le changer par la main, si on est capable. Si on n'est pas capable, on le change par la bouche ou par la langue. Et que si on n'est pas capable de le changer par la langue, on le change par le cœur. Et que ça, c'est le minimum de la foi. Et que ça, c'est les degrés, en fait, de tahir al-munkar ou bien de inkar al-munkar. Donc, ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, il est dans une situation où il est capable de complètement s'écarter, de boycotter les gens de bid'ah, et les gens de la sunna sont dans une situation de force, et ainsi de suite, là ils appliquent selon leur capacité. Si ils sont dans une autre situation, ils appliquent seulement al-wala al-bara avec la langue, c'est-à-dire ils ne peuvent pas faire plus que ça. Et dans d'autres situations où ils vont être dans des sociétés où les gens de bid'ah, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont le contrôle, et que si toi tu t'opposes et que tu dénonces ou condamnes les bid'ah qu'ils font, ils risquent de te tuer ou de te faire du tort ou des choses de ce genre. Dans ce cas-là, tu fais al-inkar, hein, avec ton cœur, et al-bara avec ton cœur, selon la limite de qu'est-ce que tu es capable de faire. Comme par exemple, si un musulman qui est salafi, sunni, sur le tawhid, et il va par exemple en Iran, ou il vit en Iran, et que il veut, par exemple, s'écarter des gens de bid'ah et dénoncer les bid'ah que ces gens-là font, ou le shirk, hein, et le kufr qu'ils ont, et qu'il veut dénoncer ça ouvertement et publiquement, il risque peut-être même de mourir, de se faire tuer par ces gens-là, parce que c'est eux qui ont le contrôle, le pouvoir là-bas. Et les gens de la sunna sont minoritaires. Ou bien si tu es dans un autre pays, par exemple, où il y a beaucoup de gens de dalal parmi les soufis, les extrémistes parmi les soufis, et que c'est eux qui ont le contrôle de toutes choses, et que si tu commences à dénoncer leur bid'ah ou à dénoncer les choses qu'ils disent et qu'ils font qui sont contraires au Coran et à la sunna, eh bien, il risque même de s'attaquer à toi et d'essayer de te faire du tort. Donc, dans ce cas-là, bien entendu, tu fais selon qu'est-ce qui est possible pour toi de faire, hein, et tu t'écartes d'eux selon ta capacité, d'accord. Et vous allez comprendre aussi que même le fait de faire le hajr des gens de Bida, eh bien, même le mot lui-même, hajr, eh bien, quand on dit de s'écarter ou de boycotter, c'est relié même à la notion qu'on appelle al-hijra. Hein? Al-hijra, c'est ce que ça signifie. Ça veut dire de séparer, de quitter les pays où il y a le kufr et le shirk, qui est en apparence, et où les gens de kufr et de shirk hein, habitent, pour aller vivre avec les mu'minin, muslimin, al-muwahidin. Hein? Et ça s'applique pas seulement entre les musulmans et les koufars que tu les quittes, c'est-à-dire les musulmans quittent les mouchriquins et les koufars, ça s'applique également même parmi les musulmans, s'il y en a parmi les musulmans qui sont des mubtadi'a ou des zanadiqa, ou des choses de ce genre, et que toi tu vis dans une région où c'est eux qui ont le contrôle, c'est une obligation dans ce cas-là, si toi tu es sur la sunna, tu veux protéger ta religion, de faire la hijra de cet endroit-là pour aller vivre dans les endroits où la sunna est en force et que les gens de la sunna peuvent y pratiquer la sunna et exprimer et appeler à leur aqidah, la aqidah du tawhid et de la sunna ouvertement, sans craindre hein, des attaques des gens de bid'ah ou des gens de ces catégories-là. Donc, on voit maintenant que la notion de hijra est beaucoup plus large et beaucoup plus grande que qu'est-ce que on pense parfois. Et parmi les exemples de questions qui ont rapport avec al-hajr, quand j'étais justement à la ville de Mons, à la ville de Glin, en Belgique, j'ai fait la lecture avec les frères d'un livre écrit par un des Toulab Ilm, parmi les élèves de Cheikh Rabi al-Madkhali et de Cheikh Ubaid al-Jabri, un cheikh qui a étudié avec plusieurs des grands mashaykhs, qui a écrit un livre qui s'intitule Al-Ijma' ala al-Hajri wa al-Tahzir min Ahl al-Ahwa. Ijma' al-Ulama ala al-Hajr wa al-Tahzir min Ahl al-Ahwa, écrit par le Cheikh Khalid al-Zufairi. Et dans ce livre-là, il a divisé son livre en quatre chapitres. Le premier chapitre mentionne l'attitude envers les gens de bid'ah chez les salafs, et il mentionne plein d'exemples, de citations, et il énumère ces exemples-là. Le deuxième chapitre parle de la dureté envers les gens de la bid'ah, et que ça fait partie des caractéristiques par lesquelles les savants décrivaient les salafs pour montrer justement que c'était une éloge en leur faveur que de les décrire de cette façon-là. C'est-à-dire que quand on décrivait, par exemple, dans les livres, lorsqu'on retourne aux livres qui décrivent les biographies des salafs, comme par exemple Siyar A'lam Nubala de l'imam al-Zahabi, ou bien d'autres livres également parmi ces livres-là, eh bien, quand on donne la biographie des imams des salafs, parmi les exemples qu'on mentionne de leurs éloges, on dit c'était un alim, il était un imam, il était un siqa, il était fiable, il était yani une personne pieuse qui s'écartait des doutes, qui s'écartait de la dunya. Et parmi les choses qu'on mentionne, parmi ses caractéristiques et ses éloges, on mentionne par exemple wa kana shadidan ala ahli al-bid'ah, comme si ça fait partie des éléments qui font partie justement de ses qualités. Pour le décrire, on mentionnait justement que c'est quelqu'un qui était dur, qui était rude, et qui avait une dureté et une haine des gens de la bid'ah. Ou parfois on va décrire certains d'entre ces imams des salafs en disant « وَكَانَ سَيْفًا مَسْلُولًا عَلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالْأَهْوَىٰ » C'était un sabre dégainé contre les gens de la bid'ah et de la passion. Et on mentionne ça de cette façon-là comme une qualité. Et comme une de ces caractéristiques qui fait partie des éloges qu'on donne à propos de cet imam. Et il expliquait qu'à notre époque, c'est devenu quelque chose même qui est devenu un défaut. De la part de certains salafis ou de certains, parmi ceux qui prétendent être salafis, que d'être dur envers les gens de bid'ah, ils considèrent ça comme étant un blâme. Alors qu'au contraire, si on dit d'un imam ou d'un alim ou d'un sheikh qu'il est dur contre les gens de bid'a, c'est une qualité, c'est pas un défaut. Hein? Et c'est une éloge et pas un blâme. Donc il a mentionné des dizaines et des dizaines d'exemples de ça. Ensuite, il parle dans le chapitre 3 de l'attitude des ulama envers les livres des gens de bid'a et comment ils agissaient envers leurs livres. Et comment les salafs ont ordonné de ne pas regarder. Ils n'ont pas dit de ne pas lire. Ils ont dit de ne même pas regarder dans les livres des gens de bid'a. C'est-à-dire, « tarkun nazar fi kutubi ahli al-bid'a ». C'est-à-dire, quand tu dis de regarder, de ne pas regarder dans un livre, c'est beaucoup plus que de dire de ne pas lire. Hein? Et ils ordonnaient de les brûler. Et ils ordonnaient de les brûler et de les déchirer. Hein? Et même quand on a posé les questions à l'imam Ahmed, par exemple, à ce sujet-là, il dit un d'entre les imams, parmi les imams, demande à l'imam Ahmed, j'ai emprunté un livre de quelqu'un et j'ai trouvé dedans des paroles mauvaises, des paroles de bid'a. Est-ce que je peux le brûler ou le déchirer? Et l'imam Ahmed, il a dit oui. Hein, tu peux le brûler, tu peux le déchirer. Et il a dit, et si tu le fais, tu n'as aucune compensation à donner. Aucune compensation, aucun remboursement à donner à cette personne. Ça, c'est le jugement de la charia vis-à-vis de ces exemples de livres de bid'a. Et bien entendu, ça s'applique dans un pays musulman où les responsables et les dirigeants respectent et suivent la sunna comme à l'époque des salafs salih. Hein? C'est comme ça que les imams, les ulama et les dirigeants à l'époque agissaient avec les jeunes et avec leurs livres. Et dans le chapitre 4, eh bien, il mentionne 30 parmi les imams des salafs et il les mentionne un après l'autre qui citent qu'il y a un consensus, c'est-à-dire que tout le monde parmi les salafs sont tous d'accord, sans exception, sur ce principe-là. Et sur le fait qu'il faut s'écarter et abandonner et boycotter les innovateurs et les gens de bid'a. Donc ça c'est, pour vous résumer par rapport à ce livre-là, et le cheikh justement à ce sujet-là, il a mentionné les paroles de l'imam Ismaïl ibn Abdurrahman al-Sabouni, Abu Uthman, qui a écrit le livre qui s'appelle « Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith ». C'est un des livres parmi les livres de Yannid Aqida et qui clarifie aussi le manhaj des salafs et des gens du hadith et c'était quoi leur méthodologie. Donc, il mentionne plusieurs points parmi les fondements de la Aqida et du manhaj. Parmi les choses qu'il mentionne dans ce livre-là, il dit à propos des salafs, ويجانبون أهل البدع والضلالات ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون أذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت في الأذان وقرت في القلوب وقرت في القلوب وضرت وجرت إليها الوساوس والخطرات الفاسدة. Il dit que les salafs, ils s'écartaient des gens de bid'a et des garments. Et ils détestaient, ils opposaient les gens de la passion et des gens d'ignorance. Et ils les détestaient. Ils détestaient les gens de bid'a qui ont inventé dans la religion ce qui n'en fait pas partie. Et ils ne les aimaient pas, ils ne les prenaient pas non plus comme compagnons, c'est-à-dire ils n'allaient pas les prendre comme amis, comme personne avec qui tu vas t'asseoir pour prendre un café ou même discuter, et tu vas argumenter avec eux dans la religion, contrairement à ce que certains aujourd'hui font. Ils se disent sur la sunna, mais ils prennent comme amis, comme compagnons des gens qui sont sur la bid'a et qui appellent à la bid'a. Et il dit, et ils n'écoutent pas leurs paroles, ils ne s'assoient pas avec eux, et ils ne débattent pas, ils n'argumentent pas non plus dans la religion avec eux, et ils ne font pas de débat, donc ils n'argumentent pas, ils ne débattent pas avec eux, et ils considèrent qu'il faut protéger ses oreilles d'entendre leur fausseté. Et parmi les exemples qu'on trouve dans les livres des salafs, par exemple, à ce sujet-là, quand on cite certaines citations des imams, on lit, par exemple, que certains d'entre eux mettaient leurs doigts dans leurs oreilles quand les gens de Bid'a venaient pour leur parler. Et à l'exemple même de l'imam Taous, un des imams des salafs parmi ceux qui viennent du Yémen, et c'était un des tabi'in, et il disait par exemple quand un mubtadi venait pour lui parler, il mettait ses doigts dans ses oreilles et il disait à son fils de mettre ses doigts dans ses oreilles, et il insistait, il lui disait mets-les plus fort encore, c'est-à-dire mets tes doigts encore plus fort dans tes oreilles pour pas les entendre, yani. Parce que ils savent, comme le cheikh il dit ici, il dit que lorsque on entend ces faussetés-là, lorsque ça rentre dans nos oreilles, eh bien, ça risque de rester dans nos cœurs et de nous faire du tort et de ramener toutes sortes de wasawis, comme des pensées et des soupirs qui sont corrompus. C'est-à-dire des doutes, des ambiguïtés. Ils vont te citer un verset dans le Coran ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont te déformer sa signification pour te mettre des doutes sur qu'est-ce que tu connais du Coran et de la Sunna et de la Aqida et du Manhaj. Et donc après tu rentres avec ces doutes-là et puis après tu sais plus comment s'en débarrasser. Et si malheureusement tu restes pris avec ça, tu risques même de tomber dans le doute dans ta religion et même de tomber dans le kufr et dans l'égarement. Par la suite à cause de ça. Donc il dit wa qala wattafaqu ma'a dhalika 'ala al-qawl bi qahri ahli al-bid'a wa izlalihim wa ikhza'ihim wa ib'adihim wa iqsa'ihim wa at-taba'ud minhum wa min suhba wa min musab wa min musahabatihim wa mu'asharatihim wa at-taqarrub ila Allah bi munajabati wa bi mujanabatihim wa muhajaratihim. Donc il dit ensuite, et ils sont tous d'accord sur la parole qu'il faut écraser les gens de Bid'a, les humilier, les avilir, les éloigner, les repousser, s'écarter d'eux, ne pas les accompagner, ne pas les fréquenter et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ça. C'est-à-dire que tu fais ça, tu agis comme ça avec eux pour te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en t'écartant d'eux et en les évitant. Et ça, c'est tiré du livre Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith, et l'imam al-Sabouri, Abu Uthman, fait partie des imams des salafs qui ont vécu autour des années 400, qui est décédé environ vers l'an 440 ou quelque chose autour de ces années-là. De l'année 440 après la hijra du professeur sallam. Donc ça c'est un exemple qui nous montre l'attitude envers les gens de Bid'a, et certaines personnes vont se poser la question par rapport à ça en disant peut-être comment ça se fait que les gens de Bid'a, les salafs agissaient de cette façon-là avec eux, tandis qu'ils n'allaient peut-être même pas agir comme ça envers des gens parmi les musulmans qui sont sur la sunna, qui sont sunnis, salafis, mais qui commettent des péchés parfois, qui sont des grands péchés. Et la réponse à ça, c'est parce que, en fait, le danger de la bid'a est beaucoup plus grave que le danger d'un péché. Puisque le péché, la personne qui commet le péché, il, premièrement, il a des remords, il sait que ce péché-là, c'est quelque chose que Allah a interdit et que c'est haram. Il ne pense pas que c'est quelque chose de bien. Tandis que le mubtadi', c'est le contraire. Il fait ce péché-là, cette chose-là qui est haram, et il pense que Allah aime cette chose-là. Et il pense qu'il peut se rapprocher d'Allah en le faisant. Donc il n'a pas honte. Au contraire, il est content de le faire. Contrairement aux musulmans qui commettent un péché. Et c'est pour ça qu'un des imams parmi les salafs disait à propos du danger de la bid'a, il disait que la bid'a est plus aimée de Iblis, que le péché. Parce que, il disait, parce que le péché, tu peux t'en repentir, tandis que la bid'a, tu ne peux pas t'en repentir. Tu ne peux pas t'en repentir, pourquoi? Parce que tu penses que c'est quelque chose de bien, tu penses que Allah aime cette chose-là, tandis que le péché, tu sais que Allah le déteste. Hein? Et donc, les salafs aussi, une autre raison pourquoi ils avertissaient, ils mettaient plus en garde envers les gens de bid'a que envers les koufars parmi les juifs et les chrétiens. Et les ennemis de l'islam, c'est parce que ils disaient que les juifs et les chrétiens ou les athées, ces gens-là, quand ils parlent, les gens ne prennent pas leurs paroles comme étant des références pour la religion d'Allah, parce qu'ils savent clairement que ce sont des koufars et des mouchriquines, et donc ils ne vont pas prendre leurs paroles, ils ne vont pas les écouter dans les questions de religion. Hein? S'il y a un prêtre qui vient ici, ou un rabbin qui vient s'asseoir ici, commence à vous parler de religion, vous allez savoir que ce n'est pas un croyant, vous allez savoir que ce qu'il dit c'est des choses qui sont fausses. Tandis que s'il y a un musulman qui vient ici avec une barbe, avec un qamis, avec un turban, ou bien une imama, ou bien des choses de ce genre, et puis qu'il commence à vous parler, qala Allah, qala Rasulallah, mais qu'il est sur la voie des khawarij, la voie des takfiriyin, ou la voie des sururiyya, ou des qutbiyya, ou sur la voie des soufiyya, ou sur la voie des rafida, les rafida, leurs shuyukh, leurs imams, ils ont tous la barbe, le turban, ils s'habillent, tu les prends pour des musulmans. Hein? Et même que tu vois par exemple comment leurs femmes s'habillent et ainsi de suite, tu vas dire ça c'est des gens qui appliquent l'islam. Hein? La même chose avec les autres catégories de gens de bid'a comme les mu'tazila, les autres catégories de bid'a et de hizbiyin et de hizbiyya, tu vas voir ces gens-là, tu dis c'est des musulmans, ils parlent, quand ils parlent ils disent Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le messager a dit. Donc les gens risquent beaucoup plus d'être égarés par un mubtadi' que d'être égarés par un kafir. Hein? Et c'est pour cette raison-là que les gens de Ahl Sunnah parmi les imams des salafs ont été beaucoup plus sévères et durs dans leur attitude, dans leur traitement des gens de bid'ah, que dans la façon dont ils agissaient avec les Yahoud et les Nasara, même si on doit bien entendu détester les juifs et les chrétiens plus que les Mubtadi'a, comme le cheikh l'a expliqué tout à l'heure. Hein, tant que leur bid'a et leur égarement n'a pas atteint le degré de kufr akbar ou shirk akbar. Et pour vous donner un exemple de bid'a qui a atteint le degré de kufr akbar ou de shirk akbar, par exemple la bid'a des rafida, qui par exemple déclare les sahaba kuffar, hein, et qui insulte les mères des croyants et les sahaba, et qui yani, se moque d'eux et les insulte. Ça c'est un exemple. Ou bien la bid'ah d'adorer des morts et de prier à des saints, de faire des actes d'adoration pour eux, de les implorer, de les invoquer, de faire des sacrifices pour eux, de faire le tawaf autour de leur tombe. Hein? Ça fait partie des exemples de bid'ah qui sont parmi les formes de shirk akbar. Ou bien des gens parmi les soufis qui croient que leur cheikh connaît le ghaib. Ça c'est des formes de kufr et de shirk akbar. Ou bien des gens qui font ce genre. Par exemple, certains soufis, parmi les turcs soufis aujourd'hui, la plupart ils ont comme aqida qu'est-ce qu'on appelle wahdatul wujud, ou bien al-hulul, le fait de croire que tout est Allah et que Allah est tout, et qu'il n'y a pas de distinction entre le créateur et la créature, et que celui qui fait une distinction entre le créateur et la créature, eh bien il est mushrik, et que le muwahhid c'est celui qui ne distingue pas entre les deux, et qui peut, hein. Donc ça c'est des exemples comme Ibn Arabi et ceux qui ont cette aqidah de wahdat al-wujud, ça c'est des exemples de aqidah de kufr et de shirk, et que celui qui a ces genres de aqidah, il est en dehors de l'islam. Donc ça c'est des bid'a, mais des bid'a qu'on appelle mukaffira, Tandis qu'il y a d'autres bida qui sont ghayr mukaffara, c'est-à-dire qu'ils ne font pas tomber dans le kufr. Donc on va en parler encore plus par la suite, inshallah, dans les autres cours qu'on va faire plus tard, mais là on doit s'arrêter pour l'instant, inshallah. Donc ça c'était le premier cours sur ce sujet. Puis il y a les cours qui vont suivre par la suite. Je pense que le prochain c'est après le maghrib, inshallah. طيب ان شاء الله دونك و سارتي سي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.